En signe de soutien à l'entretien du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, publié contre le renforcement des forces armées continues et ouvertes des États-Unis, visant l'hégémonie militaire dans la péninsule coréenne et la région, le Forum allemand anti-impérialiste a publié le 18 une déclaration. Par ailleurs, le Comité national d'études du kim-sunnisme-kim-jong-ilisme du Nigérien a présenté le 14 dans 101 pages d'Internet le numéro titré « Les États-Unis doivent savoir correctement les vœux du peuple coréen et la demande de l'époque et prendre une décision importante ».